Texte de Bastien Lasserre, le 1er juillet 2021, en attendant Magali à l'hôpital. Pardon, mais en fait, je m'en fous de vivre à la campagne. Ce que je veux, c'est de ne pas vivre seul. Je veux être là avec d'autres pour avoir une écoute vraie au téléphone dans les moments difficiles comme celui-ci. Des indications claires dénuées d'intérêt personnel. Des mots justes qui apaisent mon esprit tourmenté par le défi qui m'est proposé de relever comme celui-là. Je veux avoir ce soutien dans les moments difficiles. Ce soutien qui soutient la confiance que j'éprouve malgré le sens qu'est la vie, que je découvre un peu plus, là. J'ai été un putain d'égoïste désireux de vivre du calme avant de le vivre avec l'autre, ce calme, de le partager. Pardon. Mais en fait, j'ai envie de le vivre en le partageant. Avec cela, pourquoi pas? Je pourrais ainsi pleurer leur mort avec eux. Pourquoi j'ai quand même peur de partager la vie avec ces autres-là? La joie de rien, les inquiétudes, les bruits de mon mental, la culpabilité, cette peine déchirante. Toutes ces choses ne devraient plus être un problème si elles sont partagées depuis... quoi ? La légèreté ? Ou depuis cette évidence claire que je n'ai aucune prise ? Ni sur la vie ? Ni sur la mort ? Ni sur mon désir ? Que la vie se déroule d'une manière que j'aurais imaginée, ou de comment elle doit s'arrêter. Lorsqu'elle s'arrête, elle s'arrête. Ça, je l'ai bien compris, et c'est sans condition. Lorsqu'elle naît, elle naît. C'est sans condition, ça aussi. Alors qui suis-je, moi, qui souhaite? Qui désire vivre un certain goût de la vie avec une certaine idée de ce qu'elle doit être pour moi. En quoi mon désir est-il juste? Est-ce cela le sujet? J'ai perdu mon bébé.